Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Lettre de Rome d'un E.C. de Cadour Naïmi. Au cœur tendre de l'ami immigré. Rome, le 10 avril 2015. Bonjour, très chers parents, sœurs et frères. Jusqu'à présent, je me suis contenté de vous téléphoner pour vous informer de ma situation. Aujourd'hui, plus exactement cette nuit, car il est 3 heures du matin. Après la sortie de mon travail, je préfère vous écrire, et longuement. J'ai en effet assez vécu l'exil pour vous raconter certaines caractéristiques de cet asile. Comme d'habitude, et selon l'éducation que m'a donnée ma chère maman, je vous dirai tout, les bonnes et les mauvaises choses, sans rien cacher, ni exagérer, ni minimiser. Une précision avant de commencer cette lettre. Je la rédige en écoutant de la musique. Elle est chinoise, mieux encore, traditionnelle, classique et populaire. L'instrument utilisé est vieux de plus de 2000 ans. Il continue aujourd'hui à être employé aussi bien par les personnes lettrées que par les plus simples paysans. N'est-ce pas merveilleux? C'est un ami immigré chinois qui m'a joué ces mélodies. Le premier morceau est délicieusement mélancolique. Non pas cette mélancolie qui écrase et décourage, mais celle qui ravive l'espoir et soulage. Le deuxième morceau, au contraire, est joyeux, totalement joyeux. Il me suggère un bon cheval galopant librement dans une large prairie au soleil éclatant. Vu que j'aime beaucoup ces mélodies, c'est en les écoutant que je vous écris cette longue lettre. Et comme je souhaite que vous la lisiez en étant vous aussi accompagné par ces musiques, je vous les envoie par ordinateur. Cependant, cette missive, je ne la rédige pas sur l'ordinateur et je ne vous l'envoie pas par Internet. C'est trop froid. Je préfère recourir à la bonne vieille méthode, écrire sur du papier, au stylo, et vous faire parvenir mes propos dans une enveloppe timbrée. C'est plus chaud, plus poétique. Avant de commencer mon récit, permettez-moi une précision. Je vous parlerai à cœur nu, avec des mots crus, mais aucune colère ne m'anime. Mes expériences, mes lectures et méditations personnelles m'ont permis de découvrir que la fureur est malsaine, inutile et dangereuse. Désormais, je lui préfère la compassion, au sens le plus noble du mot, dans l'examen des défauts humains. Cette manière de voir me semble plus apte à comprendre les actions et contribuer à leur amélioration. Je vous invite donc, et j'espère que vous lirez cette lettre avec la sérénité et la bonté qui m'ont guidée pour la rédiger. J'ai fini l'introduction. Alors, comme on dit, en avant la musique.